Et on va commencer tout de suite avec les questions que vous nous avez envoyées, qu'on a organisées en différentes thématiques. Elles ont été très nombreuses et souvent très précises. On a essayé de reprendre celles qui étaient le plus souvent posées. Voilà, comme je vous disais en introduction, on n'a pas pu forcément les mettre toutes parce qu'elles étaient vraiment très nombreuses. Alors, les différentes parties, on va d'abord parler de l'éligibilité au dispositif du chômage partiel et comment il fonctionne. On verra ensuite les questions pratiques sur le mode de calcul. On a eu beaucoup de questions sur cette partie-là. Et enfin, on va voir la déclaration du dispositif et les contestations éventuelles. Et on finira par chômage partiel et d'autres thématiques comme le télétravail, l'embauche et la formation. Voilà, donc on va commencer par les premières questions sur l'éligibilité au dispositif du chômage partiel et son fonctionnement. Donc, ce dispositif de chômage partiel est-il autorisé pour des entreprises réalisant des profits importants? Sur quels critères pourraient-elles en bénéficier? Alors, cette première question est finalement celle qui va nous guider tout au long de ces 45 prochaines minutes. Il faut savoir que le dispositif de chômage partiel ou d'activité partielle est ouvert à toute entreprise, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle fasse d'importants ou de plus petits profits. Ce dispositif n'est pas centré sur une série de secteurs ou une série de chiffres d'entreprises qui réaliseraient ou pas un chiffre d'affaires. Par contre, il va falloir justifier, ça fera l'objet d'une question dans quelques instants, il faudra justifier que l'on soit une petite ou une grosse entreprise, la raison pour laquelle l'activité partielle doit être mise en œuvre dans le cadre de la crise du Covid-19. Donc la réponse est oui, il faudra justifier. Donc, il n'y a pas de critères pour répondre de façon précise à la question. Ah, je vous entends plus là. Oui, c'est parce que je coupe mon micro Ah, pour d'accord, éviter ok. les interférences et j'oublie à D'accord. chaque fois, mais c'est bon, je l'ai rallumé. Donc, À votre tour. pas de critères économiques ou financiers, mais simplement des critères de l'impact de la crise du Covid-19 sur le ralentissement de l'activité économique. Merci beaucoup. A-t-on obligation de mettre tous les salariés au chômage partiel ou est-il possible de n'en mettre qu'une partie? Alors, il est possible de réduire l'horaire de travail pour une équipe ou pour une unité de production et dans le même temps de suspendre pour une autre équipe ou une autre une unité de production, de suspendre totalement l'activité. Autrement dit, dans l'entreprise, si je n'ai aucune unité de production, eh bien je dois, l'activité partielle est une mesure collective, elle s'applique à tous. Par contre, si au sein de mon entreprise, j'ai des équipes ou j'ai des unités de production, je peux, en tant que chef d'entreprise, décider que telle équipe sera en activité partielle totale, c'est-à-dire suspension d'activité, tandis que l'autre, parce qu'il reste un petit peu de travail à faire, tandis qu'une autre unité ou qu'une autre équipe peut être en activité partielle et faire alternativement et individuellement du télétravail, du travail pour le compte dans l'entreprise. Donc la réponse est oui, si tant est, encore une fois, qu'il y ait plusieurs unités ou plusieurs équipes au sein de la même entreprise. Très clair, merci. Alors, la prochaine question, pouvons-nous placer des VRP multicartes en chômage partiel? Alors là, la réponse est plus simple et plus courte. Le VRP est considéré, enfin du moins est soumis à la législation du travail, au code du travail. L'activité partielle visant tous les salariés, la réponse est oui, le VRP multicarte rentre dans la catégorie du personnel qui peut ou qui pourrait être mis en activité partielle. Merci. Un président de SAS et son directeur général non cotisant à Pôle emploi peuvent-ils bénéficier de ce dispositif? Alors là, la réponse est à l'opposé. Je pars du principe que le président de l'ESS n'est pas forcément salarié, que son directeur général n'est pas forcément salarié. Et dans ce cas de figure, si le président de la SAS ne cumule pas un contrat de travail, il ne peut pas bénéficier de l'activité partielle. À l'inverse, si le directeur ou le président de la SAS est également salarié de cette même entreprise, il peut bénéficier, parce qu'il est salarié, de l'activité, de la mise en place de l'activité partielle. Le seul mandat social ne suffit pas à lui permettre de jouir de l'activité partielle. Il convient qu'il soit également soumis à un contrat de travail, enfin du moins qu'il dispose d'un contrat de travail. Très bien, merci. Alors, certains de nos internautes se demandent si l'activité partielle peut comporter, pardon, des périodes de travail. Alors, c'est tout l'intérêt de l'activité partielle. Il faut distinguer deux processus. Soit l'activité est totalement suspendue. On vit notamment depuis le 16 mars ou même le 14 mars, tous les établissements qui reçoivent du public, notamment les restaurants. Là, l'activité est suspendue. Je ne peux pas faire travailler mon salarié. Par contre, on peut imaginer, c'est le cas de certaines entreprises, de mettre en activité partielle mes salariés, mais parce qu'il y a un résidu d'activité économique, je leur fais travailler et je leur demande de travailler, il faut que ça soit clair entre lui et moi, tel jour, de telle heure à telle heure. Donc oui, pour répondre à la question, l'activité partielle peut engendrer une activité moindre de la part du salarié. Alors, la prochaine question, faut-il l'accord d'un salarié protégé pour le placer en activité partielle? Alors, c'est une dérogation. C'est une dérogation qui a été mise en place par l'ordonnance du 27 mars 2020, donc uniquement liée à la crise du Covid-19. La réponse est non. Exceptionnellement, l'activité partielle, la mesure d'activité partielle va s'imposer aux salariés protégés sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord. Mais dès lors que la mesure d'activité partielle affecte tous les salariés de l'entreprise où il travaille, ou de l'équipe à laquelle il est rattaché. Autrement dit, je suis employeur, je considère que cette équipe doit être mise en activité partielle, figure dans cette équipe un salarié protégé, puisque la mesure va concerner tout l'effectif de cette équipe, je n'ai pas besoin de l'accord du salarié protégé pour mettre ce dernier en activité partielle. Parfait. Alors, un salarié en arrêt maladie pour garde d'enfants ou arrêt maladie réel peut-il être placé en chômage partiel? Alors, je vais essayer d'être assez clair pour nos auditeurs parce qu'il faut distinguer deux situations comme finalement le fait la question, le salarié qui est en arrêt maladie ou le salarié qui, dans le cadre là aussi de la crise du Covid-19, a été contraint de prendre un congé garde d'enfant. Le principe est le même pour les deux situations. Le salarié ne peut pas avoir plus que ce qu'il aurait eu s'il avait été mis en activité partielle. Je m'explique. Si le salarié est en arrêt maladie, eh bien, ce salarié va être indemnisé jusqu'à la fin de l'arrêt maladie qui lui a été prescrit par son docteur, par son médecin. Et si l'employeur lui verse un complément, il doit être ajusté ce complément de salaire pour ne pas dépasser ce que ce salarié aurait perçu s'il avait été mis en activité partielle. Autrement dit, le salarié en arrêt maladie ne peut pas recevoir plus qu'un salarié, qu'un de ses collègues, placé en activité partielle. Lorsque l'arrêt maladie prend fin, eh bien, il basculera automatiquement et si la mesure d'activité partielle persiste, ce salarié, à J+1 de la fin de son arrêt maladie, bascule en activité, du moins il bascule sous le régime de l'activité partielle. Ça, c'est celui qui est en arrêt maladie. Maintenant, le salarié qui a pris un arrêt pour garder son enfant, section se divise là aussi en deux réponses. Soit l'entreprise dont dépend le salarié a totalement fermé. On prendra là aussi l'hypothèse d'un restaurant. Et bien dans ce cas-là, l'entreprise ferme, l'arrêt pour garde d'enfant du salarié cesse, Et ce salarié est placé en activité partielle. D'accord? J'ai pu, sur le site du ministère du Travail, lire que, à ce principe, existe une dérogation en temps exceptionnel. L'employeur pourrait attendre la fin de l'arrêt de la garde d'enfants pour le mettre en activité partielle. Autrement dit, je résume, l'établissement, l'entreprise ferme. Le principe, c'est que le salarié pourrait avoir pris un arrêt pour garder son enfant bascule sur le schéma de l'activité partielle, sur le régime de l'activité partielle. Une dérogation existe qui permet à l'employeur d'attendre la fin de l'arrêt pour ensuite basculer ce salarié sur l'activité partielle. Seconde hypothèse, l'entreprise est en activité partielle mais n'a que réduit son activité. Dans ce cas-là, ça revient à dire ce que nous disions s'agissant de salariés mis en arrêt maladie. Je ne peux pas, du moins le salarié ne peut pas cumuler des indemnités journalières pour garde d'enfants et des indemnités au titre de l'activité partielle. Dans ce cas-là, eh bien, l'employeur attend l'arrêt, la fin de l'arrêt de travail pour garde d'enfants pour ensuite, de la même façon, placer son salarié en activité partielle. Donc, le principe, c'est je ne peux pas, moi salarié, percevoir plus que ce que j'aurais dû avoir si j'avais, si je n'avais pas été mis dans un arrêt maladie. Et la solution pour l'employeur, c'est d'attendre finalement l'arrêt, la fin de l'arrêt maladie ou de l'arrêt garde d'enfants pour ensuite basculer mon salarié vers le régime de l'activité partielle. Très clair, merci. Alors, doit-on obligatoirement consulter le CSE pour la mise en place de l'activité partielle? Et si oui, quel doit être le contenu du PV de la réunion? Alors, je réponds à cette question en inversant les deux questions. Quelles informations je dois transmettre au CSE? Je vais devoir lui transmettre les motifs de recours à l'activité partielle. Pourquoi, notamment le Covid-19, impacte l'activité de l'entreprise? Je vais devoir informer le CSE des catégories professionnelles et des activités concernées que je souhaiterais mettre en activité partielle. Et enfin, je vais indiquer au CSE le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d'horaires. Encore une fois, s'il y a plusieurs équipes, j'informerai le CSE que telle équipe travaillera finalement le matin que le matin et que telle autre équipe travaillera l'après-midi. Le conseil que je puis vous donner, c'est d'aviser le CSE en amont. Avant de faire la demande vis-à-vis de l'administration du travail, de la demande d'activité partielle. Mais, et c'est là aussi une facilité que va vous laisser le ministère du Travail en raison de cette crise, c'est une dérogation. On peut, pour répondre à la première question, on peut consulter a posteriori le CSE, donc après avoir fait sa demande en ligne, pourvu que vous adressiez cet avis du CSE dans un délai de 2 mois à la directe. S'il n'y a pas de CSE, je réponds simplement à une question qui pourrait vous intéresser, enfin, qui pourrait intéresser les participants. S'il n'y a pas de CSE, je suis chef d'entreprise, je vais informer individuellement chaque salarié de ma décision de recourir à l'activité partielle, la durée que je prévois, la durée de mise en œuvre et le nombre de salariés concernés. C'était justement une des questions qui était posée sur le chat, donc c'est parfait. J'y répondais. Oui, et je vois des gens qui demandent, ils doivent remplir la date de consultation du CSE, effectivement, quand ils remplissent en ligne leur. Donc du coup, en fait, ils peuvent mettre une date dans le futur, a priori. Oui, ils peuvent. Alors, j'ai pas pu parce qu'il faut des informations de connexion. J'ai pas pu voir comment on transmettait une déclaration d'activité partielle, mais sans doute que à cette question, l'on peut répondre, ou du moins on peut préciser que le CSE se réunira dans les 2 mois. Merci beaucoup. Peut-on moduler le chômage partiel en cours de route, par exemple, passer de 40% à 60%, et que faire pour se laisser cette possibilité? Alors, Il faut avoir à l'esprit que lorsque vous allez déposer votre demande d'activité partielle, enfin, du moins, le formulaire va vous demander de répondre à la question combien de temps. Sans doute que vous pouvez prévoir large, puisque la pandémie n'en est pas achevée ici en France. Dans ce cas-là, j'ai tendance à penser que vous pouvez informer l'administration que l'impact du Covid aura un impact sur X semaines. Si au terme, alors prévoyez sans doute large, hein, moins plus long que plus court, si au terme de la période que vous aviez indiquée, l'activité n'a toujours pas repris, eh bien il faudra sans doute refaire une nouvelle demande. Si en cours d'activité partielle, votre business repart, eh bien dans ce cas-là, vous pourrez sans doute le moduler et en informer l'administration finalement pour lui indiquer j'avais prévu une durée d'activité partielle de 2 mois, le commerce, l'économie semble reprendre finalement au bout d'un mois et demi ou un mois. J'indique qu'à la fin du mois, je paierai non pas mes salariés sur le schéma de l'activité partielle, mais sur le schéma classique. Donc, j'ai tendance à penser que plus vous prévoyez longtemps l'activité partielle, plus vous vous préserverez et vous permettrez ainsi, dans cette période, de pouvoir ou pas ajuster à la hausse ou à la baisse le régime de l'activité partielle. Qu'en faire la demande, je crois que ou alors non, c'est peut-être une question après. Alors, on arrive effectivement sur les questions pratiques. Alors d'abord sur le mode de calcul des indemnités. On a eu beaucoup de questions qui étaient très nombreuses et très pointues. Donc on a retenu les principaux cas pratiques. Voilà, on espère que ça satisfera le plus grand nombre. La première question, quelles primes, variables, anciennité, intéressement sont à intégrer dans le calcul des indemnités? Et il y avait une deuxième question suite à ça, les heures supplémentaires prévues contractuellement pour un contrat par exemple de travail de 35 heures avec 4 heures supplémentaires indiquées dans le contrat de travail. Quelles heures supplémentaires sont-elles également indemnisées? Alors, la première question, elle vise finalement quelle est l'assiette qui va me permettre, en tant que salarié ou en tant qu'employeur, de savoir quelle sera la rémunération. L'assiette de l'indemnité perçue, enfin du moins l'assiette qui va permettre de calculer la rémunération du salarié à la fin du mois, c'est, je vous la livre, la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congé payé. Autrement dit, je suis chef d'entreprise, je m'interroge sur l'assiette de rémunération, eh bien je vais prendre celle que j'aurais prise pour calculer l'indemnité de congé payé. Et dans cette assiette-là, eh bien je vais mettre et je vais prendre en considération toute la rémunération qui sert de base à l'indemnité de congé payé, autrement dit donc le salaire, les primes, les majorations pour heures supplémentaires, tout ce que le salarié aurait perçu si, au cours de la période de référence, si encore une fois, l'activité partielle n'avait pas été mise en œuvre. J'ai tendance à penser que la prime, enfin du moins les intéressements ou les primes variables doivent être intégrées, que l'intéressement ne doit pas être intégré et que la prime pour ancienneté, si elle est versée pour l'année entière, elle n'est pas à prendre en considération. Donc encore une fois, l'indemnité, comment je la calcule, c'est l'assiette qui est assise sur la rémunération brute de l'indemnité de congé payé. Ok, très clair. S'agissant des séances supplémentaires, si je crois qu'il y a une sous-question. Si Tout à fait. effectivement, voilà, les heures supplémentaires ne sont pas travaillées, eh bien elles sont considérées, quoique contractuellement prévues, le cadre de l'activité partielle, elles sont considérées comme des heures chômées, mais ne sont pas indemnisables au titre de l'activité partielle. Ok, très bien. Alors, la prochaine question est comment calculer les indemnités pour les cadres au forfait? Alors, pour les cadres au forfait, Et ça reprend finalement une question que l'on abordera tout à l'heure, c'est la question des salariés qui sont payés selon un forfait, au forfait jour ou au forfait heure. Il y a lieu de rappeler, si certains cadres nous écoutent, que jusqu'à présent, les salariés au forfait annuel, donc heure ou jour, était exclu du dispositif d'activité partielle, sauf en cas de fermeture totale. Sauf que l'ordonnance, là aussi, du 25 mars dernier, enfin, du moins de la fin du mois de mars, déroge à ce principe pour ne pas mettre finalement un salarié de côté, pourront bénéficier de l'activité partielle, que l'entreprise ferme ou que l'entreprise réduit ses horaires de travail, tous les salariés au forfait annuel, heure ou jour. S'agissant maintenant des modalités pratiques, il convient de préciser que je n'ai pour l'instant pas la réponse, elle n'est pas de mon fait, parce que le ministère du Travail nous annonce un décret notamment pour fixer les modalités pour les salariés au forfait jour. Je peux toutefois vous donner un exemple. Alors, j'espère que ça va être assez compréhensible, j'en ai pris un pour un salarié au forfait heure mensuelle. Ça dure quelques instants, vous allez comprendre. Je prends un salarié, je suis un cadre, forfait, je dois faire 169 heures par mois hors Covid. L'activité partielle va me demander finalement de ne travailler que 150 heures. Eh bien, comment je vais être indemnisé? Je vais prendre la rémunération, enfin du moins le contingent d'heures mensuelles classique de 151,67 € que je vais soustraire aux 150 que moi j'aurais fait et je vais être indemnisé donc à hauteur d'1,67 €. La différence entre les 169 heures qui étaient prévues et les 150 heures que j'ai réalisées, elles sont considérées comme des heures chômées, mais n'ouvrent pas le droit à des allocations d'activité partielle ni d'un salaire de la part de l'employeur. Encore une fois, le ministère doit nous préciser les modes de calcul pour les salariés qui travaillent sur le mode du forfait. Mais la réponse est oui, vous pouvez bénéficier. C'est une exception du principe de l'activité, du mécanisme de l'activité partielle. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question, quel est le montant de l'indemnité pour un apprenti qui est rémunéré à 43% du SMIC? Est-ce qu'il y a maintien de son taux horaire ou non? Alors, là aussi, c'est tout nouveau, du moins c'est une situation exceptionnelle, puisque l'ordonnance qui a été prise par le ministère, par le ministre du Travail, permet aux apprentis dont la rémunération était inférieure au SMIC de bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à la rémunération antérieure. Donc la réponse est, si je suis apprenti, que je gagnais moins que le SMIC, je ne suis pas concerné par le plafond, mais je percevrai 100% de ma rémunération antérieure. Très bien. Alors, comment gérer les jours fériés dans le calcul? Alors, cette réponse, elle est jurisprudentielle parce que lorsqu'un jour férié est compris dans une période d'activité partielle, ça va être notamment le cas du lundi de Pâques la semaine prochaine, la Cour de cassation nous a dit par deux arrêts que les salariés ne peuvent prétendre au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés. Donc, autrement dit, il n'y a pas de rémunération à leur attribuer. Très bien. Alors, quel est le mode de calcul en cas d'annualisation du temps de travail? Alors ça, je vais y répondre assez court parce que ça renvoie au développement sur, enfin, moi, si je comprends la question. Du moins, j'ai compris la question comme étant, c'est-à-dire forfait jour, enfin forfait annuel, forfait jour ou heure. Dans ce cas-là, la réponse est oui, je peux en bénéficier. S'agissant des modalités pratiques, je dois attendre que le ministre prenne un décret pour préciser les conditions d'indemnisation lorsque je suis au forfait annuel. Alors, que se passe-t-il pour les salariés au SMIC avec un variable? Est-on obligé de maintenir leur fixe à 100% ou du fait que le variable est inclus dans le mode de calcul, on n'est pas obligé de maintenir leur fixe à 100%? Alors, là aussi, je répondrai avec des éléments que j'ai déjà abordés. Pour ce salarié, rappelons que la variable peut être comprise dans l'assiette qui me sert à déterminer la rémunération de mon salarié. Ce salarié se verra percevra, comme on l'a dit antérieurement, 70% brut de la rémunération qu'il percevait, ou c'est à peu près 86% net. Encore une fois, si je comprends la question telle qu'elle est formulée, en prenant en compte, enfin du moins mon employeur devant prendre en compte la variable que j'avais perçue ou que je percevais avant l'activité, avant que mon entreprise soit mise en activité partielle. Ok. Alors, on arrive à l'avant-dernière partie de la webconférence qui concerne la déclaration du dispositif et les contestations éventuelles. La première question, de nombreux soucis techniques sont rapportés par rapport au site de déclaration d'activité partielle, code non reçu, impossibilité de s'identifier, etc. Que faire dans ce cas? Alors, je ne suis que juriste, malheureusement, je ne suis qu'avocat. Il faut s'assurer d'avoir un accusé réception de sa demande d'activité partielle. Donc, tant que vous n'avez pas d'accusé réception, réessayez, réessayez, réessayez, parce que il ne faudrait pas partir sur le principe, sur le fait que vous avez déposé et puis vous n'avez pas eu de réponse. Vous devez à tout le moins avoir un accusé réception. J'ai trouvé un numéro de téléphone pour celles et ceux qui seraient intéressés, c'est le 0800 705 800. Je pense que vous pourriez, je l'espère, et j'ai un email aussi à vous adresser. C'est contact trait d'union AP ASP trait d'union public.fr. Voilà, j'espère que ces deux tuyaux vous permettront de résoudre les problèmes technique. Parfait, on le communiquera dans le chat également. Puis de toute façon, vous aurez la vidéo disponible pour les participants, donc vous aurez toutes les informations. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit sur le chat qu'après 21 h, ça marche beaucoup mieux. Donc, j'invite les gens à peut-être se connecter plus tard. Alors, la prochaine question, est-on obligé de faire la déclaration tous les mois ou peut-on la faire en une seule fois à la fin du dispositif? Alors, comme on l'a vu, on n'est pas obligé d'en faire une tous les mois. On en fait une pour une période que l'on considère comme étant réduite ou inactive. Il faut absolument pas, et c'est la seconde partie de la question, il ne faut absolument pas décider arbitrairement, je mets en activité partielle, et puis à la fin de la crise du Covid-19, déclarer à l'administration du travail que par le passé, par la semaine passée, j'avais mis en œuvre l'activité partielle. Il faut d'abord, finalement chronologiquement, soumettre son dossier à l'administration du travail et ensuite placer mes salariés en activité partielle, mais absolument pas attendre la fin de la crise pour faire ces démarches. C'est noté. Alors, de nombreux employeurs se demandent quand les indemnités seront perçues. Ce point a-t-il été précisé dans une ordonnance? Alors, je ne crois pas, sauf erreur, que ce point ait été précisé, que ce point pratique ait été précisé. Il me semble que d'ordinaire, alors là, il va falloir faire face au flux de demandes d'activité partielle, mais d'ordinaire, l'allocation est liquidée mensuellement auprès de l'employeur par l'agence de services de paiement. Il faut sans doute concilier ce délai avec les dizaines, voire les centaines de milliers de demandes qui ont été adressées à l'administration du travail depuis maintenant 3 semaines. Mais Mais non, à mon sens, ça n'a pas été précisé dans une ordonnance. très bien. Alors, dans le cas où aucune réponse n'aurait été reçue dans les 48 heures suivant la demande d'activité partielle, cela vaut-il acceptation? Oui, c'est une exception là aussi. Il y a beaucoup d'exceptions aujourd'hui. C'est une exception, c'est une qui a été précisément prévue dans l'ordonnance. Si je notifie à la directe ma déclaration d'activité partielle et que je ne reçois pas dans les 48 heures un avis ou un refus, cela vaut, enfin l'absence de réponse vaut acceptation, autorisation tacite. Noté. En cas de contrôle de la directe, quel justificatif devons-nous préparer pour justifier le recours à l'activité partielle? Alors, dans un premier temps, l'on avait cru comprendre des différents intervenants au sein du gouvernement que l'activité partielle serait favorisée et serait facilitée. Il reste que les premiers retours des directs montreraient finalement l'inverse, en ce sens qu'il faut autant que possible, autant que faire se peut, maintenir l'activité en respectant les gestes barrières. Et si avec ces consignes, vous ne pouvez pas garder une activité, eh bien, il va falloir établir, et c'est tout l'intérêt de déposer son dossier en bonne et due forme, eh bien, les effets de la pandémie sur votre activité et la raison pour laquelle votre activité, votre entreprise est touchée de plein fouet par, par la crise sanitaire. Alors, ça peut être de multiples motifs, mais qu'il faudra éventuellement justifier. En cas de contrôle, c'est finalement une question de bon sens et je ferme, mais pourquoi? Et c'est il faut documenter, il faudra préciser que les clients avec lesquels ou les fournisseurs avec lesquels je traite sont eux aussi fermés, que j'avais des commandes qui ne doivent pas être réalisées, etc., etc. Parce que, un point, l'activité partielle, si elle est frauduleuse, si elle est mise en place de manière frauduleuse, c'est un délit pénal. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas de déclaration si votre entreprise n'est pas impactée par ces circonstances exceptionnelles. Très bien. Alors, si lors de la déclaration, une erreur de saisie a été faite, comment peut-on la corriger? Alors là aussi, je n'ai pas de réponse juridique à vous apporter, mais simplement les questions, enfin la réponse pratique. Et voilà, je vois que le téléphone a été mis en ligne, appelé, à écrire des emails, mais il n'y a pas, à mon sens, dans les ordonnances ou dans la loi, il n'y a pas de texte qui justifierait, enfin qui expliquerait la façon dont pour procéder à la modification, donc essayer d'appeler encore une fois si 21 h est bien, et bien appeler après 21 h. Merci. Alors, on arrive sur la dernière partie de notre webconférence qui va traiter du chômage partiel lié à d'autres sujets. Alors, la première question, dans le cadre de la mise en place de l'activité partielle, les formations ouvrent-elles bien le droit à une indemnisation à 100%? Alors, oui, si, oui, il y a une indemnité qui est portée à 100% de la rémunération antérieure pour les actions de formation effectuées pendant l'activité partielle, si et seulement si elles ont été validées avant le 28 mars. Pour les formations qui auraient été ou qui seraient validées après le 28 mars, cette indemnité baisse à 70%. Ok. Et concernant la question précédente, je vois que des gens répondent sur le chat. Il y a possibilité, a priori, de faire un avenant pour corriger une erreur. Bon. Donc voilà. Alors, la deuxième question, peut-on embaucher alors qu'on a mis en place dans l'entreprise l'activité partielle? Elle est particulière cette question parce que si je suis en activité partielle, cela veut dire que je rencontre des difficultés qui nécessite que l'État m'aide finalement à payer mes salariés. Si je suis en activité partielle, cela veut dire que j'ai une baisse de mon activité. Autrement dit, on aurait du mal à comprendre une embauche lors d'une période d'activité partielle. Alors, si sur le papier, cela ne me semble pas impossible, faites attention parce que si l'administration s'aperçoit que vous avez déposé un dossier d'administration d'activité partielle et que dans le même temps, vous avez procédé à une ou des embauches, il y aurait un contradictoire à justifier et peut-être auriez-vous quelques difficultés à justifier ce qui, à mon sens, semble être une contrariété. Une contradiction, pardon. Alors, je vois des questions qui concernent, oui, embauche suite à une promesse d'embauche. Comme une promesse d'embauche, a priori, vos contrats, il faut évidemment accueillir les salariés qui auraient vu une promesse d'embauche Ah, avant. c'est différent. Oui, Ouais. effectivement, si le salarié avait une promesse d'embauche, effectivement, la promesse d'embauche, si elle est précise quant à la société, quant aux horaires, quant au salaire, effectivement, l'employeur serait tenu d'accepter en son sein le salarié et de le mettre de facto en activité partielle. Mais si je lance une petite annonce pour recruter un salarié, ça me semble contradictoire, encore une fois, avec la mise en place de l'activité partielle. Tout à fait. Alors, la dernière question de cette web conférence. Suite à des déclarations récentes de Muriel Pénicaud, chômage partiel et télétravail seraient incompatibles. Est-ce le cas pour une activité partielle différente de 100%? Alors, je suis allé voir les propos du ministre en la matière. Il a dit effectivement que lorsqu'une entreprise est en activité partielle, je ne peux pas faire travailler, télétravailler mes salariés. C'est juste, mais insuffisamment précis. Parce que, et on l'a vu au début de la formation, enfin du moins au début de la petite formation, j'ai deux cas de figure dans l'activité partielle. Soit mon entreprise cesse totalement ses activités, et dans ce cas-là, effectivement, je ne peux pas faire télétravailler mes salariés, mais l'on a vu que l'activité partielle permet de réduire les horaires, et dans ce cas-là, je peux faire télétravailler alternativement mes salariés, pourvu qu'ils aient été donc dûment informés. Mais activité partielle et télétravail ne sont pas incompatibles, sauf si je suis dans l'hypothèse d'une activité partielle suspendue où là, je n'ai plus, où j'ai dû fermer la boutique le temps de l'épidémie. Si je n'ai pas fermé et que je peux faire télétravailler à distance mes salariés, je peux leur demander de travailler moins de ce qui est prévu au contrat, mais je peux leur demander de télétravailler. Ce n'est pas un empêchement. C'est très clair. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Maître Nicolet, avant qu'on conclue cette session? Non, courage, courage. Je reste à votre disposition pour toutes les questions qui n'auraient pas été abordées ou les thématiques qui n'auraient pas été abordées sur ce thème d'actualité. Vous avez, je crois, mon email sur le support ou à tout le moins sur le site Jury Travail. Donc, n'hésitez pas. Et si j'ai été imprécis, n'hésitez pas là aussi à me solliciter. Merci beaucoup, maître. J'espère que tout le monde aura eu des réponses à ces questions. Alors, elles étaient nombreuses et je sais que vous en avez posé sur le chat. Ce n'était pas évident à suivre et d'autant plus que maître Nicolet ne peut pas répondre à la volée parce que ça lui demande quand même d'avoir travaillé en amont sur certaines questions qui sont extrêmement précises. Mais j'espère que ce format vous aura satisfait. Et donc, n'hésitez pas à contacter maître Nicolet si vous avez besoin de conseils juridiques plus précis ou si vous avez des problématiques précises qu'on n'a pas pu aborder pendant ce webinaire. Et merci encore, maître, d'avoir accepté d'animer cette Merci Marie à conférence vous. avec moi. Merci beaucoup. Pour voir le programme des prochains webinaires, alors il y en a un mercredi qui traitera de la gestion de la trésorerie des entreprises en temps de crise. Donc rendez-vous sur jurytravail.com/coronavirus. Merci à tous. Merci, au revoir à tous.